L'actualité à Nancy et ailleurs. Aline Zander, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée relations publiques pour le service culturel de la ville de Frouard et on va découvrir avec vous quelques temps forts de ce mois de mai à l'espace 89, un mois de mai qui sera encore cette fois-ci 100% numérique. Hein. Oui, on avait dû annuler toute programmation un peu en amont, donc il est un peu tardif pour se retourner et reproposer des choses en vrai, en live. Mais ce sera pour bientôt. Oui, tout à fait. On en reparle tout de suite après. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre ce mois-ci à l'espace 89. Enfin, avec l'équipe des animateurs de l'espace 89, on aura différents rendez-vous des mercredis essentiellement. Ça commence le mercredi 5 mai avec un tournoi de jeux vidéo. Donc un tournoi en ligne sur deux jeux qui sont Among Us et Gartic Phone. On vous invite à rejoindre le Discord de l'espace 89, donc un chat où vous pourrez retrouver l'animateur qui vous donnera les petits trucs, astuces et qui organisera le tournoi pour se retrouver sur ces deux jeux, à savoir que on ne joue pas tout seul face à un ordinateur, on joue vraiment avec les autres personnes inscrites, donc c'est une façon de se retrouver un peu de façon numérique avec d'autres personnes. Pour rester un peu dans le même domaine, le samedi 22 mai, un atelier du geek. Ce sera pas autour du jeu vidéo, mais là on est sur l'atelier du geek. Le mois dernier, on avait déjà commencé un petit tutoriel, un petit rendez-vous pour vous apprendre à programmer sur le logiciel Arduino. Ce logiciel permet de programmer des petits robots ou des petits objets connectés pour qu'ils rentrent en interaction les uns avec les autres, ils communiquent entre eux en fait, et on vous apprend à programmer donc les petites puces électroniques pour pouvoir le faire vous-même, le faire depuis chez vous. C'est assez riche comme enseignement et c'est une chance de pouvoir avoir quelqu'un qui nous accompagne sur cette initiation à la programmation. Donc rendez-vous le samedi 22 mai, c'est de 10h à midi, depuis notre page Facebook. D'autres rendez-vous ? Alors oui, on a toujours nos rendez-vous mensuels autour de la lecture. Donc on vous donne rendez-vous mercredi 12 mai à 10h pour les bébés lecteurs. Donc c'est une histoire à découvrir en vidéo. Vous découvrirez les pages qui se tournent du livre, vous découvrirez les belles images, les belles illustrations. Et on vous raconte l'histoire, donc on raconte l'histoire aux plus jeunes, aux bébés. Et ça permet également de se donner une petite idée des livres qu'on peut venir retrouver à la médiathèque Ludothèque. On a toujours ce service qui était disponible en tout cas pendant le confinement. Donc voilà, ça peut donner des envies. Pour rester dans le domaine de la lecture, le 19 mai aussi, vous proposez une heure de conte ? Oui, tout à fait. L'heure du conte, là, qui sera aussi pour les petits, mais à qui s'adresse à des âges un peu plus avancés. Donc l'heure du conte, la même chose. On profite d'une conteuse qui vous fait découvrir une histoire. Vous pouvez voir les images en direct des illustrations du livre. Et on n'a plus qu'à se laisser porter, puis se laisser se raconter une histoire. On a évoqué donc l'atelier du geek, hein, le 22 mai, pour découvrir un peu plus la programmation. Il y a d'autres ateliers qui sont proposés ce mois-ci ? Oui, alors là, on a toujours les ateliers bricolage, do it yourself, comme on dit, avec un premier le mercredi 12 mai, donc à 14h, qui sera sur le thème de la broderie sur photo. Donc on part d'une photo d'œuvre ou d'une photo familiale, pourquoi pas, et on y ajoute des couleurs avec des jolis fils de coton très colorés. Donc pourquoi pas rajouter un châle à Frida Kahlo ou rajouter des fleurs dans son jardin. Je vous propose pour cet atelier-là, comme pour l'autre, de venir retirer le matériel directement à la Ludothèque Médiathèque. Donc il suffit de s'inscrire par mail ou par téléphone et vous pourrez venir récupérer tout le kit nécessaire pour suivre l'atelier. Donc atelier ensuite à suivre en ligne depuis notre page Facebook. Voilà, donc ça sera pour le mercredi 12 mai à 14h, mais bien sûr on anticipe et on vous contacte avant pour récupérer tout ça et avoir toutes les infos. Et un autre plus en fin de mois ? Oui, l'atelier Bidouille et compagnie. Cette fois-ci, ce sera une thématique de fabrication d'un aquarium. Même consigne que pour l'atelier broderie sur photo. On s'inscrit, on vient récupérer son kit et on s'installe devant l'écran le mercredi à 10h pour suivre le tutoriel étape par étape. Et après Bidouille et compagnie, on va revenir un peu plus proche de nous le 19 mai pour un dernier atelier bien-être. Oui, c'était des rendez-vous qui ont été menés mois par mois avec la coach en développement personnel qui s'appelle Alexandra Ronval, qui propose de se retrouver en Skype et de suivre un atelier bien-être. Donc un atelier où on se recentre sur soi, on y inclut des pensées positives, de la méditation, de la relaxation. Donc c'est pas forcément du yoga ou des choses qui va nous demander de faire des mouvements, mais vraiment voilà, des exercices de respiration, ce genre de choses qui sont accessibles à tout le monde, quoi. Vraiment, faut pas hésiter, faut penser à soi en ce ce moment, se faire du bien. Donc c'est gratuit. On vous donne rendez-vous à 17h30 depuis la page Facebook où on vous donnera le lien pour suivre l'atelier en direct. Voilà un programme bien chargé encore ce mois-ci avec l'équipe de l'Espace 89. Bien sûr, tout ça, on peut le retrouver sur votre page Facebook essentiellement. Oui, alors on vous donne tous nos rendez-vous et toutes les petites actualités au jour le jour sur notre page Facebook Culture à Froire. Et dans tous les cas, vous retrouvez tout le détail de tout le programme sur notre site internet qui est www.culture.froire.fr. Et pour faire un peu de teasing, qu'est-ce qui nous attend pour le mois de juin et voire pour le début de l'été ? Alors, c'est avec grande hâte qu'on est en train d'organiser des petits rendez-vous à l'extérieur, donc qui se passeront devant le théâtre Gérard Philippe. On vous proposera des petites animations les vendredis en fin d'après-midi. On vous en dit pas plus pour le moment. On vous donne rendez-vous d'ici la fin du mois pour vous faire découvrir ces rendez-vous. Je pense qu'ils sont très attendus pour nous comme pour le public et enfin voilà, l'envie de se retrouver ensemble, en chair et en os. Effectivement. Merci beaucoup, Aline. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.